crois, comment je fais? On relève mon vécu l'époque. C'est plus qu'une terre d'accueil. Brazzaville, c'est mon homme. Les pas de je fais danser les gens. Tu demandes comment je fais? Souvent attiré par le mal, on pose le front sur le sol. Ça devient normal pour eux de faire les schlags. Et tout ça me désinforme. Négro est sorti du Banks. Qu'est-ce que tu crois? On revient de loin, nous. On a fait couler le sang, viser le top, on a fait des jaloux. T'es mal à la taille de mes chaînes. Je déboule en carré devant la scène. Est-ce que tu penses qu'elle va m'éteindre si je lui dis je t'aime alors que je la paye? Et laisse-les faire les mecs qui pèsent, c'est des rigolos. J'ai redonné le sourire à ma mère, mais j'ai fini solo. Plus rien qui me fait peur, dehors c'est chaud, c'est rempli de sales histoires. Malgré tout ça, j'ai gardé la mentale. C'est pas pour les strings qu'on a fait l'argent. Sale, fonce dans la rare et j'ai niqué la chance. J'ai sorti mon Uzi pour mener la danse. Sorti le calibre. Va falloir qu'il s'en rappelle. Ma gueule, parler de ses flots quand c'est même plus la paix. Jamais. Je les ken, elle veut des likes, elle en devient une chienne. Sa mère, l'amour c'est toxique et rempli de haine. L'amour c'est bizarre, c'est dead. Tu sais quelque part dans ma tête, j'y repense tous les jours. Serais-je devenu si j'avais jamais percé? Je peux pas le prendre comme un handicap, c'est ce qui m'a forgé. On a grandi souvent trop près du danger. Laisse-les faire les mecs qui pèsent, c'est des rigolos. J'ai redonné le sourire à ma mère, mais j'ai fini solo. Plus rien qui me fait peur, dehors c'est chaud, c'est rempli de sales histoires. Malgré tout ça, j'ai gardé la mentale. C'est pas pour les strings qu'on a fait l'argent. Sale, foncé dans la rare, j'ai niqué la chance. J'ai sorti mon Uzi pour mener la danse. Sorti le calibre, sorti le calibre.